Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien F. Gartin publiera un autre éditorial qui graphine dans le bulletin Gartin et Frédéric Bernard tournera la langue 10 fois avant de poser une question à Internet dans Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 25 novembre 2015, 153 jours avant la fin de la carrière 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, je pense que j'avais des chats en tête quand j'écris l'intro graphine puis langue dans tourner dans sa bouche. Ah, je sais pas pourquoi. Peut-être. J'ai aucune idée. Forte possibilité. Ça arrive. Est-ce que t'as justement chat dans la gorge? Je vois pas de quoi tu veux parler. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Mais le pire, c'est que je me suis couché super tôt hier pensant que, tu sais, comme ma super grande nuit de sommeil allait vraiment aider. J'ai bu de l'eau température pièce, comme mon médecin me le dit depuis des années. J'ai mangé 42 pastilles. Puis ce matin, je me suis réveillée, puis c'était pire qu'hier. Oui, t'es à peine compréhensible. Ben, j'ai vraiment l'air d'Éric Lapointe avec les gosses poignés dans son zipper. Mais... En tout cas, on n'a pas les mêmes Éric Lapointe en tête. Ouais, je parle bien du fameux rocker, là. OK, OK. Ouais. Je sais pas, ça te va pas mal mieux à toi qu'à lui. Ah, ben merci beaucoup. Je dois dire. Merci. Bref, on va essayer de t'écouter tout le long de l'émission et comprendre ce que tu dis. On montrera ton micro, je sais pas ce qu'on va faire avec ça. On va essayer des affaires. C'est ça. Aujourd'hui à l'émission, on a Sébastien Gartin, son bulletin Gartin. Si on fait ça à 8h, il va nous parler d'actualité un petit peu partout dans le monde. On sait jamais trop à quoi s'attendre avec lui. C'est rarement sur son éditorial dans Zone Campus depuis quelques mois. À 8h30, Frédéric Bernard va être là pour Google Globe. C'est sa 10e chronique et je pense que lui, les anniversaires de petits chiffres ronds, il aime ça. Ah, d'accord. On va voir ce que ça veut dire à 8h30. Et on va commencer l'émission avec ta chronique à toi, Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, en fait, on va parler de web ce matin, mais deux sujets vraiment différents. Le premier, quoi regarder sur le web? Et le deuxième, où est-ce qu'on aime magasiner sur le web? Ou du moins, où est-ce que moi, j'aime magasiner sur le web? Encore des dépenses? Encore des dépenses. Il reste plus grand place à la marge. Je sais, mais le temps des fêtes s'en vient. Oui. Fait que pas le choix. Pas le choix. Avant de faire ta chronique, par contre, écoutons un petit peu comme tu vas te magasiner du linge pour peut-être pouvoir faire une parade de mode avec des petites pauses d'Éric Lapointe avec les gosses dans le zipper. Je fais ça souvent, tu sais. Donc voici Navé Confi et Mannequin de magasin. Le téléphone sonne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. C'est bientôt l'automne. Mais le mannequin ne le sait pas. Mais le mannequin ne le sait pas. Mannequin de magasin parle avec confit. On aime le fake-out dans le milieu de la chanson. Il y a comme 10 secondes de vide. Je sais. Puis la chanson recommence. Mais c'est, on dirait que c'est comme à la mode, ça, hein, dans les nouvelles chansons. Tout le monde fait ça. T'agace. C'est, ouais, pas mal. Mm-hmm. Nous, on pense qu'il faut qu'on baisse le son puis qu'on le fait, mais non. Et il n'y a aucune transition à faire entre Agace et la chronique de Tania Baudin. J'espère. Donc voici Tania, it's gonna entertain you. C'était une petite agace qui voulait être pro des médias. Ça n'est pas bon. Elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania! And she's gonna entertain you. On est tous les deux mal à la gorge aujourd'hui. Ouais, c'est sérieusement, là, c'est comme c'est pas la meilleure journée pour chanter, non? Pour faire tout ça. On a littéralement chacun passé dans la gorge en ce moment. Ouais. Ça va nous aider à faire cette chronique sur à peu près n'importe quoi. À peu près n'importe quoi, parce que honnêtement, le sujet varie tellement à chaque jour. Hier, je parlais de course automobile. Aujourd'hui, je parle du web. C'est vraiment, j'y vais avec ce qui m'inspire sur le moment, ou du moins la veille. Oui, c'est ça. C'est pour que je le crée. Une fille à fleur de peau. Et voilà, ben, je suis une fille qui aime toucher quand même pas mal à tout ou qui aime s'intéresser à plusieurs choses différentes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire bénéficier nos chers auditeurs. Tout à fait. Aujourd'hui, tu l'as dit, on parle de web. Oui, exactement. Ben, comme je disais un petit peu en début d'émission, premier sujet, c'est quoi regarder sur le web? Là, je vous parle pas nécessairement d'émissions qui viennent d'une chaîne télévisée qu'on peut regarder sur Netflix ou sur Internet, mais je vous parle vraiment d'une web télé, web série. Seulement sur le web. Seulement sur le web. Ouais. Vous pouvez pas retrouver ça, exemple, sur ma TV ou Cogeco ou quoi que ce soit. Ouais. Ça a vraiment été créé pour le web. Et je connais ça parce que c'est un gars avec qui j'ai étudié à l'école de télévision. Ah, wow! Oui, c'est animé par Marc-Antoine Monpetit et c'est en ligne depuis le 29 septembre 2015. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est, je dirais un peu que c'est comme un talk show humoristique. Okay. Donc, il reçoit des invités et ce qui est le fun, c'est que c'est en collaboration en fait avec notre ancienne école de télévision. Donc, les studios sont les studios de l'école. C'est pratique, ça, dans ce temps-là. Hein? C'est super pratique. Ouais. Puis, évidemment, ben, pour ceux qui connaissent Marc-Antoine, on le sait, c'est filmé chez ProMédia parce que Marc-Antoine travaille chez ProMédia maintenant. Il est employé là-bas. Il a fait ça. Il a fait le cours. Il a fait cours, puis par la suite, il a été engagé comme technicien radio. C'est fun, ça. Puis, il y a eu une collaboration avec l'école pour pouvoir créer sa propre web-série dans les studios. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment des angles de vue différents. Évidemment, c'est web, donc on se permet beaucoup de choses. On se permet... filmé par la GoPro, donc la fameuse la fameuse vue GoPro qui fait vraiment tout le studio, ouais. Où on peut aussi voir à quelques reprises le fameux public qui est invité à chaque fois qu'il y a un invité. Oh, il y a un public, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis tout ça est parti, j'ai comme l'impression que c'est parti de cette fameuse entrevue qu'on avait fait dans un de nos cours, où qu'on avait reçu un invité et que, mon Dieu, tout le monde avait donc ri, parce que ça avait été une entrevue tellement drôle, puis l'invité avait réussi à embarquer, avait accepté d'embarquer dans toutes les jokes de Marc-Antoine. Puis Marc-Antoine, déjà à la base, c'est un gars qui avait fait l'école d'humour. C'est un gars qui est très, très drôle. Il fait d'ailleurs les... si je me souviens bien, ça s'appelle les lundis de l'humour. C'est quelque part près de Terrebonne, si je me souviens bien. Et c'est un gars je veux pas dire qu'il prend de la place, mais qu'il dégage. Tu sais, il y a une bonne... Un charisme. Un bon charisme. Puis, ça prend vraiment des invités qui sont bons pour répondre. Oui. Puis, qui sont surtout ouverts d'esprit. Donc, présentement, juste vous donner quelques idées de qui a déjà eu dans les émissions. Bien, il y a eu Jean-Philippe Dion, Sébastien Huberdeau, José Lavigueur. Mon Dieu, je fais le tour vite, là. J'essaie de faire le tour vraiment vite. Il va y avoir, dans la deuxième saison, parce que la première saison a déjà été complètement tournée. Présentement, ils sont en train de tourner la deuxième saison. On aura Anne-Marie Lozic, Alex Perron. Tu vois, ce sont tous... Oui, ça a monté d'une coche, mais quand même, c'est des noms vraiment connus. Je dirais que même pour la première saison, je suis fortement surprise, premièrement, du travail de recherche de Marc-Antoine, deuxièmement, de la réponse des invités. Ouais. Parce que bien évidemment, on ne paie pas les invités pour aller à une web télé, surtout pas quand c'est créé dans un studio d'école. Ouais. Puis, il y a plusieurs gens qui se sont affiliés à lui. Donc, il reçoit chaque invité, un peu comme à Tout le monde en parle. Mm-hmm. Avec chaque invité, il va boire une bouteille de vin qui est commanditée par un de ses commanditaires. Une bouteille au complet par invité? Ben, je te dirais, Kim Rusk, peut-être que ça a été une bouteille complète. Mais pour certains, c'est pas tout à fait. C'est comme complète. Les entrevues pompettes. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça qui est le fun, parce que ça laisse un peu aussi laisser tomber la poussière du stress d'être un invité dans une web série. Ouais. Pas nécessairement dans une web série, mais dans un talk show, mettons. Puis, ce que je trouve fun, c'est que si jamais vous allez sur la page Facebook de l'émission, parce que je tiens à vous dire que c'est quasiment la seule place où vous pouvez écouter l'émission, okay. Ça s'appelle « Pas de temps à perdre ». Pas de temps à perdre, mais vraiment. Pas de temps comme un podcast. Pas de temps. Tu sais, pas d'apostrophe. Ah ah! Ah! OK. C'est, allez pas chercher « pas de temps ». C'est vraiment « pas de temps ». OK. À perdre. C'est pas genre le gars il s'appelle mon petit, fait que c'est mon petit joie le vert, c'est pas son rire. Ben, y a... ça aurait pu. Je te dirais qu'il y a une couple de gags où les invités ils sont comme surpris. C'est ça. Mais on s'attend à ça de Marc-Antoine parce que je le disais, c'est un gars avec beaucoup de charisme. Puis c'est un gars qui la plupart du temps est quand même facile à te mettre à l'aise, mais 30 secondes après à te déstabiliser au grand complet. C'est parfait ça. Puis, comme je l'ai dit, c'est une web-série humoristique. Donc, ayez une ouverture d'esprit, mais c'est très drôle. Ça dure à peu près 10 minutes par émission. C'est vraiment quelque chose à voir. Moi, j'ai fait le tour des émissions. Puis, on a vraiment des sujets très diversifiés dans les entrevues. Exemple, Jean-Philippe Dion a parlé de sa jeune carrière de joueur de soccer qui n'a pas duré très, très longtemps. Kim Rusk a parlé d'un trip à trois. Tu sais, c'est vraiment le genre de... d'entrevue que tu dis « Oh mon Dieu, mais j'ai donc bien aimé ça puis j'ai appris des affaires pareilles. Ouais. » Ça, c'est le fun. Cool. On a aussi appris Josée Lavigueur est allée espionner ses filles dans un party. Ouais, tu vois, c'est le genre de... Même les invités sont surpris de la recherche de Marc-Antoine et de son équipe. Puis on est... Le montage est très bien fait. C'est fait par des amis et des collègues de ProMédia, exactement. Puis c'est très, très bon. C'est divertissant. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Ouais. Fait que je vous invite à aller faire un petit tour sur la page Facebook de Pas de temps à perdre pour regarder ces fameux petits épisodes. Un jour, peut-être. Les web-télé, quand elles ont du succès, des fois se retrouvent à la télé. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Ah oui. On lui souhaite, en tout cas. Absolument. C'est la meilleure chose à faire, c'est de souhaiter le meilleur pour les autres. Ah, oh, que t'es positive, Dominique. Eh mon Dieu, je suis positive un matin. Hein? Wow. Moi aussi, je me suis surpris. Je sais pas ce que ça doit être, les pastilles. Ça doit être ça. C'est peut-être le temps de sommeil que j'ai eu. Non. Bon, en tout cas. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est les places sur le web qu'on adore magasiner. Et là, si je parle de magasinage, non, c'est pas des magasinages de bébelles, c'est pas des magasinages de ben cadeaux là. De Noël. Ben, ça peut être des cadeaux de Noël, tout dépendant de ce que vous voulez acheter. Ouais. Mais la plupart du temps, ça va être des vêtements, mais je vous explique. Ça va être 3 sites web québécois. Le premier étant Woman's, qui a été mis en ligne par Andréane Marquis, une fille qu'on a pu voir, entre autres, dans Occupation Double, et qui a beaucoup travaillé à sa propre compagnie par la suite. Et la boutique est très, très, très, très bien, moi, je vais le dire. Par contre, c'est quand même assez un petit peu dispendieux pour les vêtements puis tout ça. Ça dépend de ce que vous désirez. Mais si vous allez voir sur la page Facebook, il y a beaucoup de concours. C'est ça la facilité avec Internet, je dirais la boutique en ligne Internet, c'est que justement, les gens sont tellement à l'affût des réseaux sociaux puis tout ça, que la meilleure façon de magasiner, c'est quasiment tout le temps être rendu sur la page et de voir les concours qu'ils font. Oui, c'est ça, il faut mettre la page du site web dans tes... elle s'appelle dans tes favoris. Non, oui. Dans tes... Sur Firefox, c'est des marquis-pages. Des marquis-pages. Marquis-pages. Hey, t'as pas su? Ça joue moi avec marquis. Ben oui, écoute. Ouais. Mais je vous conseille d'aller voir parce que, évidemment, une boutique en ligne, vous n'allez pas nécessairement avoir seulement une marque de vêtements. Donc, vous pouvez vraiment faire le tour. La plupart du temps, vous allez avoir des accessoires, vous allez avoir des créateurs qui sont d'ici. Surtout qu'Andréane est une fille de Québec, une fille du Québec aussi. Donc, ce sont vraiment des choses qui sont fun à voir. Puis, souvent, on va découvrir de nouvelles marques en allant sur Internet. Puis, le même marquis. Ben, c'est ça. Oui. Puis, avons-le, avant le temps des fêtes, y a-t-il quelque chose de plus plate que d'aller devoir magasiner du linge pendant que tout le monde se bat pour aller voir le Père Noël? C'est le pire moment. Ils sont tous vraiment mauvais, maman, mais ça, c'est le pire. Ouais. Ouais. Tu sais, quand t'arrives au centre d'achat, là, pis tu dis, ah, j'ai besoin d'une robe noire pour ce fameux jour de l'an, mais qu'il y a une ligne de 140 millions d'enfants qui veulent voir le Père Noël, puis 140 millions de parents qui se courent dans les magasins, c'est pas tout le temps plaisant. Non. Il fait chaud, t'as ton manteau sur le dos. Fait que, tu sais, il y en a qui aiment juste être sur Internet et faire le tout. C'est sûr, prenez en considération que le temps que vous allez vous faire livrer, ça va peut-être être un petit peu plus long. Ouais, mais là, on a encore le temps, il reste un mois. C'est ça, exactement. Là, il nous reste un mois. Puis ce sont des... Comme je le disais, c'est 3 sites Internet qui sont d'ici. Donc, en temps normal, la livraison devrait être beaucoup plus rapide que si jamais vous commandez de la Chine, là, comme sur eBay. Ou même des États-Unis, c'est long. Bien, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, le premier, en fait, le site web que je vous parlais, c'est womans.ca. Inquiétez-vous pas, je vais mettre tous les liens sur la page Facebook d'Assemblage Requis et sur ma page, si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, woman.ca, c'est Andréane Marquis qui est derrière ce beau petit projet. Hey, Andréane Marquis, là, as-tu étudié en marketing? D'après moi, elle s'y est rendue, oui. C'est bon. Le deuxième site Internet dont je vous parle, c'est un site en anglais. Par contre, il est créé ici, à Montréal. Mm-hmm. Ça s'appelle Coco & Carl. C'est une initiative de deux meilleures amies qu'elles sont depuis toute jeune, des passionnées de mode. Elles sont issues aussi d'une famille très, très... italienne. Okay. Donc, très, très à l'affût riche. De la mode. Ben, je sais pas. Donc, très, très à l'affût de la mode. Ils ont toujours eu ce petit projet que de mettre leur propre boutique, de créer leur propre ligne. Bien, je vous invite à aller faire un tour parce que la boutique, contrairement à Woman's, elle semble avoir une qualité vraiment exceptionnelle versus le prix. Ah, OK. C'est beaucoup moins cher que sur womans.ca. Donc, si jamais vous êtes intéressé, encore une fois, à magasiner cette fameuse petite robe noire-là, vous pouvez aller faire un tour sur ce site-là. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de choses en rabais peu de temps après les avoir postées pour la première fois. Mmh. Donc, si, exemple, la première semaine, vous allez sur le site Internet, vous trouvez qu'une robe à 75 $, c'est trop dispendieux pour ce que vous voulez débourser, dessus, ouais. Exactement, bien... retournez voir quelques jours après, ça se pourrait fortement qu'elle soit déjà en spécial. Oui. Parce que, justement, comme je le disais, on joue un peu là-dessus sur les concours, sur la mise en vente spéciale sur Internet. C'est cette facilité-là qu'on a. Puis sur Internet, justement, n'importe qui peut aller voir, n'importe qui peut acheter. Donc, si jamais votre carte de crédit a de l'espace, bien, allez y faire un tour. Puis ils ont des accessoires, je dois avouer, les accessoires sont vraiment cute. Là, c'est sûr que c'est deux sites Internet pour femmes dont je viens de parler. Mais allez faire un tour, même si, tu sais, même des fois, là, on y pense pas. Mais les gars, ça veut pas nécessairement dire que vous aimez ça aller magasiner pour une fille, hein? Oh non! Encore moins dans un centre d'achat. Donc, si jamais vous êtes intéressé, mais allez sur les sites Internet parce que parfois, vous pouvez acheter des cartes cadeaux virtuelles. Ah, ben oui, facile! Puis, tu sais, y a-tu quelque chose de plus fun que de recevoir une carte cadeau pour acheter du linge quand t'es une fille? C'est pas tout le monde qui aime ça, mais ouais, si vous savez que la personne aime ça, ça va. Mais c'est ça. Ouais. Si vous savez qu'elle aime ça, si vous savez qu'elle veut quelque chose de ce site-là en particulier, ben allez-y, tu sais, ça. Je m'en ai dit, ça coûte rien. C'est pas vrai. Ça coûte rien d'essayer, ça coûte rien d'aller faire un tour, aller voir vous-même. Si vous vous dites, tu sais, d'après moi, ma blonde, elle aimerait ça. Ouais. Ben allez y faire un tour, vous allez voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais messieurs, ne vous inquiétez pas. Ah, tu penses tout le temps à tout le monde, toi. Je ne vous ai pas oublié. Vous êtes aussi du style à fêter Noël ou les fêtes, ouais, ou c'est peu, ça, importe peu importe quelle fête religieuse, non religieuse, vous voulez fêter. La pause de l'hiver. La pause c'est hivernale. Ça, c'est cette fameuse pause hivernale, parce que là, on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut dire ou non dire à la radio maintenant. C'est pas une question d'être politiquement correct, c'est une question de... Je célèbre c'est pas ça. Noël, moi, non, voyons, non, Noël, en tant quelle année, hein? Tu sais. Quelle fête religieuse, en tout cas. Le troisième site dont je vous parle, c'est un site entièrement masculin. Mmh. Et c'est une initiative trifluvienne. Hein? C'est ce fameux site dont on avait entendu parler à la télévision, wayoutfitters.com. Okay. Messieurs, allez y faire un tour. Non seulement vous avez des vêtements, vous avez des accessoires, des gadgets. Vous avez aussi des produits pour le rasage. Puis on vous donne des trucs. Quoi porter quand je m'en vais à un road trip? Quoi porter si ma blonde me traîne aux pommes? C'est des cas spécifiques, je trouve. Et voilà. Ouais. Mais c'est quand même très plaisant. Et là aussi, sur ce site-là, vous pouvez avoir, exemple, des cartes cadeaux. Donc, si mesdames... Tu sais, je dois avouer que je pense que c'est beaucoup plus difficile magasiner pour un gars que magasiner pour une fille. OK, mais ben, les filles, il faut juste que ça brille, puis c'est correct, non? Ça dépend de la fille, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais... juste eu ces expériences. Mais un gars, bien souvent, ça va pas nécessairement aimer tous les styles. Non. Tandis qu'une fille, si tu achètes une robe noire, c'est une robe noire, tu comprends? Si... En tout cas, moi, je trouve ça beaucoup plus difficile magasiner pour un gars que magasiner pour une fille, surtout selon ses goûts, parce que tu sais jamais... Tu sais, si un gars est pas... est beaucoup plus hipster, mettons, qu'il est... coquille. fendant. Ben, ouais, c'est bag, ça, fendant. Ben, tu sais, peut-être que si tu achètes une chemise toute noire, il aimera pas ça, tu sais, tout dépendant de comment il aime les choses. Donc, allez faire un tour sur ce site-là et vous pouvez aussi acheter une carte cadeau virtuelle sur ce site-là. Il y a beaucoup de promos. La livraison et les retours sont gratuits. Wow! Alors, ça vaut vraiment la peine. C'est d'ici, en plus. Tu sais, c'est une initiative de trois gars de Trois-Rivières qui se sont dit « Go, nous, on fait ça. » On est capable. Ben, ouais. C'est ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, pourquoi pas? Et peut-être juste aller faire un tour puis voir les idées. Tu sais, des fois, on ne sait pas trop comment on veut monter notre fameuse liste de cadeaux des fêtes. Alors, si jamais vous cherchez des idées à quoi mettre sur votre liste de cadeaux de Noël, ben, messieurs, allez faire un tour sur wayoutfitters.com parce que peut-être, peut-être que vous allez trouver plusieurs idées. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Voilà. Donc, on rappelle, est-ce que t'en avais un autre? Non, j'en ai plus d'autres. Rappelle-nous l'ensemble, s'il te plaît. Excellent. Donc, womans.ca. Évidemment, le nom semble être un peu anglais, mais c'est entièrement francophone. Mm-hmm. Le deuxième, c'est Coco and Carl. Là, je vous le rappelle, c'est en anglais, mais c'est québécois aussi. Et le troisième, c'est wayoutfitters.com et c'est entièrement trifluvieux. Fantastique. Les liens sur la page Facebook. C'est ça, exactement. Je vous mets tous les liens sur ça. Et la web-série dont je vous parlais, eh bien, c'est pas de temps à perdre. Yay! Yay! Merci, Tania. Eh bien, ça fait plaisir. Est-ce qu'on se quitte avec une pièce ou... Ben, écoute, je suis en train de me dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'en discuter avant de rentrer dans l'émission. Mais si tu vas dans le fichier, le fameux fichier où on a toutes nos petites musiques, jeudi, allons voir si on a fait jouer. Va dans mardi, exemple. Oui. Puis faisons jouer, tiens, la deuxième. Jonathan Clay? Oui. Heart on Fire, tout de suite à Assemblage Ricky. Merci, Tania. Ça fait plaisir, Mathieu. Ça a coulé. Ouais, hein, ça n'a pas paru. I'm falling down. I wanna begin, but I don't know how to let you know how I'm feeling. I'm high on hope, I'm reeling. I won't let you go. Been crazy for you all this time. I won't let you go. Now you know. Non, pas un long silence dans une chanson à Assemblage Rocky, ça arrive non, jamais. Non, voyons. Ben non, voyons donc, franchement. Au retour de la pause, premièrement, merci Tania pour Tania Zgolin et Tania. Ben, ça fait plaisir. Voilà. Au retour, c'est Sébastien Guertin et son éditorial Bulletin Guertin. Restez là. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui.

d'avance. Ah, on fait ça tous les matins, Zoléphine. Merci, Sébastien Gartin. On est là dans son campus, ta collègue éditoriale. Ouais. Et on te retrouve ici chaque semaine, les mercredis à 8h. Oh, que oui. Sébastien Gartin, bonne journée à toi. Bonne journée. Bonne journée. Au retour de la pause, c'est rendu le tour de Frédéric Bernard qui nous attend pour faire sa petite visite guidée d'Internet. Ouh. Dans Google Globe, restez là. Vous êtes assez fait, 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce mercredi 25 novembre 2015. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera Frédéric Bernard. Frédéric Bernard. C'est difficile de parler qu'une pastille dans la bouche, vous deux, hein? C'est difficile quand même. C'est ça. Une chance qu'on n'a pas la pastille de l'autre dans la bouche. Ah oui, je sais. On a chacun notre propre pastille. C'est dégueulasse, ça, matin. Ouais, ça serait. L'image est drôle dans ma tête, t'sais. Ouais. Avant de passer à Frédéric Bernard et Google Globe, on écoute une chanson que voici de Yukon Blonde et ça s'appelle Comment est-ce-t-il? Son âge requis. We'll be right back.

Hey, hein, la radio, on dirait que je viens de commencer. Ça fait juste 900 émissions qu'on fait. Oui. En fait, juste ça, ça va faire 900 émissions demain, Tania. Oh. Oui, oh! Là, je veux que je fasse une chronique, qu'est-ce qu'il y a 900? Mais on s'en sac! Les épisodes d'assemblage avec qui? Le top 900, partie 1 de 42. Merci Frédéric Bernard. Un plaisir. On te retrouve la semaine prochaine et mercredi à 8h30, genre. 30 genre? 8h30, genre. Oui. Voilà. J'accepte la première partie. Et on t'écoute aussi à la Luître. Tous les lundis soirs à 8h. Oui, le lundi prochain étant les bleus contre les verts. Alors, mais on s'en sait. Mais non. Mais non, non. Est-ce que t'en fais question? Partie, tu ne peux plus t'en c'est sacrer. Je fais partie de chaque équipe, dans le fond. Oui, mais oui. Ils ont un cadre de moi dans leur maison, un père comme la reine. Oui. Venez encourager la Luître, c'est toujours très apprécié par les joueurs de vous voir. Puis surtout qu'on va vous voir ensuite. Si vous avez des commentaires, soyez vraiment pas gênés de venir nous le dire pour améliorer le spectacle. C'est toujours le fun parce que là, on attire beaucoup de gens cette année. Tellement. Mais continuez, c'est ça qui fait que le show est bon aussi, étonnamment. Bien dit. Donc, merci. Hey, j'ai quelque chose pour vous. Rapide. Qu'est-ce que ça dit un DJ en entrant dans une fromagerie? C'est notre amie la DJ de la Luître, la DJette, DJ Transcendance, qui l'a posté sur Marache. Qu'est-ce que ça dit, un DJ qui entre dans une pièce? Faites du bruit! Ouais, c'est-tu signé Cortana? Référence à il y a 25 minutes. Oui, c'est ça. Et donc, c'est tout pour Google Globe et c'est par le fait même tout pour Assemblage requis et pour toi aujourd'hui. Oui! Oui! Qu'on a donc eu du plaisir le mercredi. Oui. Une excellente journée. Ben, on a plein d'invités le mercredi. Ben, plein d'eux. Plein d'eux. Allô? Plein d'eux. On peut faire une recette avec des jaunes d'œufs. Plein d'eux. Exactement. On en a deux, mais ça crée toute une émission. Ça fait du bruit! Ça fait du bruit! On remercie Sébastien Guertin pour son butin Guertin. On remercie Frédéric Bernard pour Google Globe. On se retrouve demain. On sera jeudi. On aura Justine Renaud à 8h pour sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Et évidemment, le jeudi, on fait une grosse pointe à l'adresse avec un produit du tiroir. Tania et moi, on se complète une fois sur deux ou une fois de temps en temps avec des produits qu'on retrouve en épicerie ou en dépannant. Sur nos ondes aujourd'hui, à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à... Ben, tout de suite après, là, il y a les Wow! À 11h, le Dîner de con. À 15h, je serai de retour pour le Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. À 17h, Audiomatique avec de la musique électronique. À 20h, c'est Radio Sonic avec de la musique variée. Mais dans quelques instants, restez à l'écoute pour les coups des franges. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, tu vois, OK, c'est bon. Si je suis une fois sur deux, j'oublie de le faire. Ben, c'est pour ça que je voulais pas que tu l'oublies. Mais fait que, tu sais, comme j'ai vu les gars arriver. Il y a pas de chevreuil dans leur émission. C'est pas des chevreuils, là, c'est des gars. Nous, on avait un featuring de chevreuil dans l'émission tantôt, mais là, il y en aura pas dans les coups des franges. Mais non. À moins qu'ils repassent. C'est ça. Ça pourrait arriver. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagebrequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Bonne journée, Tania. Bonne journée, Mathieu. On se quitte avec On a créé un monstre. Et ta playlist. Bye, à demain. Bye. Bonne coup des franges. Bon coup des franges. Bon coup des franges. C'est une coup des franges. Bonne émission. Je pense que c'est le coup des franges. C'est le coup des franges. Merci, Fred.